vraiment merveilleux. Est-il vrai que l'on a existé? Au-delà des mers, par-dessus les océans, on a trouvé la terre où personne nous y attend. Les fonds éclairs ont dévasté les aliénants. La guerre bactériologique ont tué tous les vivants. Oh, oh. Aveuglant l'éternel, on reste sous-conscient. Ce nouveau monde est fait de solitude et l'on reste seul, comme toi sûrement. On reste seul en s'aveuglant devant ces écrans, petits et grands. On reste seul et les tourments. Comme trop souvent, on reprend le dessus sur cet instant. On ne peut pas repousser ce qu'il doit arriver. Pourrait-on rester en vie? Restons unis. Restons unis.